Content d'être avec vous, d'être de retour, puis de tous vous voir en forme ce matin, de quelques amis, je vois des têtes aussi qui nous visitent, puis nos visiteurs vont devenir nos permanents bientôt, vous êtes les bienvenus ici. Et puis j'ai pris un temps de repos, oui, pendant les fêtes, mais aussi j'ai travaillé. Et j'ai eu l'occasion de porter la parole dans des églises en Europe et de visiter des assemblées. Donc, j'ai salué l'église d'Ottoman Park qui commence à être connue dans la francophonie. Tout le monde me dit, c'est quoi ça, Ottoman Park? C'est-tu aux États-Unis? C'est une ville américaine? T'es-tu américain? Alors, j'ai dit non, Ottoman Park, c'est la plus belle ville du monde. C'est la seule ville de la province de Québec officiellement bilingue. Hein? Français, québécois et français de France. Non, je sais pas. Alors, mais c'est vrai, ce que je vous dis. Nous sommes une ville bilingue officiellement, français, anglais. Les Anglais ont essayé de nous envahir, mais on va les avoir. Non, on aime les Anglais. Alors, on aime surtout Dieu et sa parole. On va être à son écoute ce matin. Et puis, j'étais content de revenir. Je commençais à m'ennuyer de vous, c'est vrai. C'est pas de la démagogie. Je commençais à m'ennuyer de l'église, à m'ennuyer de mes collègues. J'étais un peu inquiet, un peu de savoir comment ils allaient gérer les affaires en mon absence. Vous savez, un peu comme le papa qui s'inquiète de ce que vont faire les enfants. Et comme c'est moi le plus jeune, c'est normal que ce soit moi qui m'inquiète pour eux. Mais ils ont bien fait ça. Non, c'était, pour ceux qui me connaissent pas, je fais un peu d'humour, j'en fais beaucoup même, mais avec la parole de Dieu par contre, on va se plonger dans un message que j'ai pour vous ce matin, et je crois que c'est un message avec lequel je reviens pour finir notre mois de janvier, ouvrir la nouvelle année avec une pensée, un message qui a brûlé sur mon cœur ces derniers temps, pour nous en tant qu'église, mais je pense pour l'église de Jésus-Christ en général. Et le thème de mon message avec vous ce matin s'intitule « L'objectif suprême ». Qu'est-ce que l'objectif suprême? C'est exactement ce dont nous allons parler maintenant pendant quelques minutes. J'aimerais faire une première lecture d'introduction avec vous dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Et on va faire une lecture dans le premier livre et dans le dernier livre. Genèse pour la première lecture, Apocalypse pour la deuxième. Un verset très court, mais je vais vous le lire. Genèse chapitre 3, verset 8, je vais vous lire ce verset-là dans la version parole de vie, français fondamental. Et le verset 8 dans la parole de vie nous dit ceci, « Le soir, un vent léger se met à souffler, le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. » Verset d'introduction à ma réflexion, verset énigmatique s'il en est pour quelques hommes, mais très parlant, très éloquent, que se passe-t-il au moment de la création? Le Seigneur lui-même, au milieu de sa création, se promène physiquement dans le jardin. Et dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse de Jean, chapitre 21, les trois premiers versets, nous avons ici un portrait prophétique de la nouvelle Jérusalem. Donc, de la fin de l'histoire de l'humanité qui va se solder par l'arrivée, l'établissement de la nouvelle Jérusalem, des nouveaux cieux, de la nouvelle terre, où Dieu va être présent au milieu de son peuple. Et Jean, qui a cette vision, dit ceci, « Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. J'entendis du trône une voix forte qui disait, la demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront ses peuples et lui-même, qui est Dieu avec eux, Emmanuel, sera leur Dieu. Amen. Si je posais la question à 10 personnes ici, 15 personnes au milieu d'entre nous ce matin, quel est pour vous, selon vous, le thème principal des Écritures? Je pense qu'à peu près, je suis sûr d'avoir à peu près entre 10 et 15 réponses différentes. Pour certains, ça serait le thème principal, ça serait la croix. Pour d'autres, ça serait le sang. Pour certains d'entre vous, peut-être la rédemption, le salut, la sanctification, la restauration, le rétablissement de toutes choses. on aurait peut-être autant de personnes que de thèmes, parce qu'il y a de nombreux thèmes dans les Écritures. Et si quelqu'un me demandait, me posait la question, quel est le thème principal de la Bible, je vous répondrais ce matin avec un seul mot. Et ce mot, je le crois, il va au-delà même de la description d'un thème ou du thème principal majeur des Écritures, mais c'est un mot qui décrit l'essence même de la théologie. Et sur la slide suivante, je vous mets ces points, on peut aller à la suivante. Ça décrit la raison principale la raison principale de la création de l'homme, ça explique même l'objectif de l'établissement de l'Église sur la terre. Ça justifie l'incarnation du Christ et sa crucifixion, sa résurrection. Et ce mot-là, c'est le mot présence, puisque vous avez vu la slide qui est apparue. Merci Annie d'avoir volé mon punch. Le mot présence, c'est le mot qui symbolise le plus pour moi le thème des Écritures. Pourquoi ? La Bible et la parole de Dieu débute avec la présence de Dieu marchant au milieu de sa création, Adam et Ève. Le soir dans le jardin, Dieu se promène, il est présent au milieu de sa création. Et les Écritures se terminent avec quoi ? Avec sa présence, quand elle décrit le point culminant pour l'humanité, le jour où nous allons être rassemblés, l'invitation pour tous ceux qui sont sauvés, lavés et sanctifiés, de ce point culminant de cette relation avec Dieu, à vivre éternellement avec lui dans sa ville sainte, au milieu de sa présence, au milieu de la présence de Dieu. Et du début à la fin des Écritures, on découvre un Dieu qui désire ardemment établir sa présence au milieu de son peuple. Et du début à la fin des Écritures, on découvre un Dieu qui a un cri dans son cœur de dire « Ils seront mon peuple et je vais être leur Dieu ». Je serai leur Dieu, ils seront à moi et je serai avec eux. Et de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, il y a un désir ardent qu'on trouve dans le cœur de Dieu vraiment de manifester sa présence au milieu de son peuple. Voilà pourquoi dans nos réunions et dans nos temps d'adoration, dans nos temps de prière, la prière est plate. La prière est quelque chose dont on n'a pas envie quand on ne réalise pas qu'elle nous met en relation avec la présence de Dieu. Si ma prière se limite et se concentre uniquement à apporter des requêtes, à apporter des désirs dans mon cœur ou des besoins à Dieu, en espérant que Dieu à un moment donné m'écoute et y réponde, c'est plate la prière. C'est comme si je vis rien, je ressens rien, j'apporte mes demandes et je m'en vais continuer ma vie. La prière nous met en communion avec un Dieu qui veut cette relation avec nous. Elle nous met en relation avec un Dieu de relation et un Dieu qui veut manifester sa présence. J'ai un amen ou pas du tout, ou on n'est pas sûr encore. Je vais travailler encore un peu plus fort. Présence. Dans le Deutéronome, Dieu dira, l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Dieu aurait pu rester dans les cieux comme il l'est, il est le roi des cieux, et il aurait très bien pu intervenir, envoyer ses anges et sauver son peuple à de multiples reprises et envoyer des myriades d'anges s'il le fallait pour délivrer son peuple. Mais il y avait un plaisir dans le cœur de notre Père de demeurer au milieu de son peuple, de venir s'installer dans une relation continuelle, permanente avec son peuple. Et le mot présence, c'est aussi la signification d'un des noms qu'on a donné au Seigneur Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu présent au milieu de nous. Et j'aimerais voir dans cette réflexion avec vous ce matin, quatre hommes de Dieu dans les Écritures qui ont prié pour que Dieu leur accorde sa présence. J'aimerais voir avec vous l'ami de Dieu, le prophète, le roi et l'apôtre qui ont prié pour que Dieu accorde sa présence à leur vie, à son peuple, et d'une manière particulière. Et j'aimerais voir avec vous que cette présence qu'ils ont recherchée, ils l'ont recherchée comme étant l'objectif suprême à atteindre, comme si c'était la chose qui allait bien au-delà de tout autre besoin qu'ils pouvaient avoir sur cette terre. La première personne que j'aimerais voir avec vous, c'est Moïse, l'ami de Dieu, l'ami qui a prié pour la présence de Dieu. J'aimerais voir avec vous ceci dans le livre de l'Exode au chapitre 33. Parce que dans ce chapitre ici, nous avons une célèbre prière de Moïse. Il y en a plusieurs, mais dans le chapitre 33, il y en a une. Dans les versets 15 et 16, voici ce que Moïse nous dit. Moïse dit à Dieu, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Et cette prière de Moïse a quelque chose de particulier. Premièrement, si on arrêtait là notre lecture, on pourrait faire le constat suivant et dire, oui, Moïse, c'est un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui connaît Dieu, c'est un serviteur de Dieu, il prie. Il connaît Dieu, il prie Dieu et il demande à Dieu de l'accompagner et puis d'être présent avec eux. Il y a rien d'exceptionnel dans ce que tu nous racontes là, autre que le fait qu'un homme de Dieu devrait prier pour demander à Dieu son aide. Ça, c'est si nous lisions cette prière-là sans l'étudier dans son contexte. Et on pourrait penser les choses ainsi et on pourrait penser que Moïse a prié pour obtenir la victoire parce qu'il savait que si Dieu ne combattait pas pour eux, pour son peuple, il serait perdu. Mais quand nous allons dans le contexte, maintenant, on se rend compte d'une dimension beaucoup plus profonde dans laquelle Moïse était dans sa relation avec Dieu. Et ce que j'aimerais vous proposer ici, c'est que Moïse a fait cette prière non pas pour se garantir d'avoir la victoire, non pas pour s'assurer que Dieu allait venir avec lui et lui donner la victoire, parce que Moïse était déjà s'était déjà fait promettre et offrir par Dieu la victoire. Dieu avait déjà promis à Moïse et à son peuple la prospérité et la victoire. Et on trouve cette promesse au début du chapitre 33. Et Dieu dira à Moïse, c'est Dieu qui lui parle maintenant et qui lui dira, « Va par d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je donnerai à ta postérité, j'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hessiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. » Ça en fait du monde. « Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. » Mais quoi ? Je ne monterai point au milieu de toi de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. » Ça fait mal, hein, quand même, de se le faire dire. Imaginez que Dieu nous parle ainsi et dire, je vais vous bénir, la gang. Je vais vous faire prospérer. Mais moi, je serai pas avec vous parce que si je reste avec vous, je vais tous vous détruire. Vous allez tous manger une volée. Ça fait bizarre. Pourtant, c'est ce que Dieu dit à Moïse. Et remettez les choses ensemble maintenant. Voici ce que Moïse dit à Dieu. Moïse dit à Dieu, si tu marches pas toi-même avec nous, en gros, si tu envoies un ange et que tu nous donnes la victoire, ça m'intéresse pas. Si j'ai quand même la bénédiction sans la relation, ça m'intéresse pas. Si tu me fais prospérer, mais qu'en même temps je perds ma communion avec toi, ça ne m'intéresse pas. Voici ce que dit Moïse. Il dit, comment je serai certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et même ton peuple? Comment on sera certain de ça si toi tu ne marches pas avec nous? Comment on va être distingué des autres si on va pouvoir simplement dire, ben on a travaillé fort, on a bataillé dur, on a remporté la victoire, mais finalement t'étais pas avec nous. Mais comme tu nous l'avais promis et que tu es un Dieu qui se plaît à bénir et qui ne se repent pas de son appel, de ses dons, de ses promesses, alors on te donne quand même la bénédiction. Moïse a prié de cette manière selon ce que je comprends, pour la raison suivante. Et j'en suis convaincu que Moïse aurait préféré rester pauvre dans le désert, mais avec Dieu et sa présence, plutôt que d'avoir la renommée et la prospérité sans Dieu. Et j'aimerais vous dire, mes amis, qu'il est possible pour nous chrétiens d'avoir la prospérité et l'abondance et même la bénédiction sans avoir la communion et la présence de Dieu. Il a compris que ce qui fait d'un peuple, peuple de Dieu, ce n'est pas sa doctrine. Ce qui fait d'un peuple, peuple de Dieu, ce n'est pas son enseignement, pas plus que c'est sa popularité ou sa prospérité. Ce qui fait d'un peuple, peuple de Dieu, c'est que la présence de Dieu est manifestée au milieu de lui. C'est que la présence de Dieu est manifestée au milieu de nous. Et il savait que la présence de Dieu distinguerait le peuple de Dieu de tout groupement, autre groupement sur la surface de la terre. Il n'y a rien d'autre. Que la présence de Dieu qui pouvait faire une différence, une distinction entre le peuple de Dieu et tous les autres peuples et groupements religieux sur la terre. Et Moïse savait une chose, il savait que le succès sans Dieu n'est pas le succès. On peut obtenir le succès sans Dieu, mes amis, oui, même en tant que chrétien, c'est certain, on peut obtenir différents degrés, niveaux de succès, mais le succès sans Dieu n'est jamais un succès. C'est pourquoi l'objectif suprême que Moïse avait était réellement de s'assurer que la présence de Dieu serait toujours à ses côtés. Que Dieu allait toujours manifester sa présence au milieu de son peuple, mais dans la vie même de son prophète et de son du patriarche Moïse. À quel point, mes amis, en 2017, avons-nous besoin de cette même présence? Que cette présence soit manifestée dans nos vies, dans notre relation avec lui. On ne s'apprend pas d'être des super spirituels pour bénéficier de la présence de Dieu. Notre Père se plaît à se promener au milieu de nous. Notre Sauveur vient. Il est venu sur la terre pour ça, parce qu'il voulait bâtir, établir une relation, une connexion personnelle avec chacun d'entre nous qui puisse durer. Alors l'ami qui a prié pour la présence de Dieu, Moïse, avait compris cette importance, cet enjeu vital pour lui, pour la destinée du peuple, de demeurer dans sa présence. Le prophète, deuxièmement, qui a prié pour la présence de Dieu, c'est Ézéchiel. Et dans Ézéchiel, on a un portrait un peu opposé et différent qui, quand on le met en parallèle avec ce que nous venons de dire avec, Moïse, est quelque part terrifiant et en tout cas me glace un peu me glace le dos cette vision aussi que Ésaïe a du temple de Dieu à ce moment-là, dans le chapitre 11 d'Ézéchiel. Ézéchiel a eu exactement les mêmes réactions, et c'est pour les mêmes raisons, que les mêmes motivations que Moïse avait, qu'Ézéchiel a pleuré à chaudes larmes quand il fut témoin d'avoir vu la présence de Dieu quitter le temple. Ézéchiel 11, 23 nous dit ceci, « La gloire de l'Éternel s'éleva au milieu de la ville, et elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. » Et j'aimerais vous expliquer le contexte ici. Voici ce que la parole de Dieu nous apprend à l'époque du prophète Ézéchiel, en comparaison avec l'époque de Moïse. Au temps de Moïse, c'était très clair que Dieu avait quitté la montagne où il résidait pour descendre et s'établir avec son peuple et marcher au milieu de son peuple et manifester sa présence. Mais au temps d'Ézéchiel, Dieu quitte son peuple et retourne sur la montagne. Il y a véritablement une inversion de rôle entre le fait qu'au départ, Dieu véritablement vient et veut demeurer au milieu de son peuple, veut s'établir au milieu de son peuple, et ensuite, Dieu quitte le temple et retourne sur la montagne. Il abandonne. Sa présence quitte le milieu de son peuple. Et ce fut un renversement tragique, parce que dans la vision du temple que Ézéchiel a avant le temple du millénium, on voit, il y a toute une symbolique qui est à l'intérieur qui prendrait un message au complet pour voir, et ça serait très intéressant de voir comment l'Esprit de Dieu continue à agir alors que Dieu lui-même a quitté son peuple. Sa présence a quitté, mais les ailes des chérubins, les roues continuent de fonctionner. Il y a encore une action de l'esprit qui se produit. Il y a encore un décorum religieux. Il y a encore une pratique qui est là, mais Dieu a pourtant quitté. Sa présence n'y est plus, mais les choses continuent pendant un certain temps. Et serait-il possible qu'une église puisse encore fonctionner un certain temps alors que Dieu n'est plus au milieu d'elle? Mais si je reviens à ma pensée, voici ce qu'il est, ce qu'est ce renversement pour Ézéchiel. Il voit un peuple qui a tout ce dont il a besoin. Il a la connaissance, il a les pratiques, il a exactement tout ce dont il a besoin pour bénéficier de la présence de Dieu. Et pourtant, la présence de Dieu s'en va et n'est plus manifestée. Et le peuple de Dieu ne réagit même pas à cette perte tragique de la présence de Dieu. C'est comme une église où la gloire et la présence de Dieu est absente. Quelle tristesse, quelle absurdité, quel non-sens. Pourquoi le peuple de Dieu n'a pas réagi quand la présence de Dieu se retira? Pourquoi Ézéchiel pleure devant cette déchéance, mais en même temps, l'histoire nous dit qu'il n'y a personne, que le peuple s'est pas réuni, qu'il n'y a pas eu une action commune, collective, il n'y a pas eu une prise de conscience. Pourquoi? Parce que Satan avait aveuglé le cœur du peuple en l'éloignant de cet objectif suprême dont nous parlons ce matin. Mes amis, quand nous comprenons que tout ici-bas sur la terre a été fait et est fait dans le cœur de notre Père pour bâtir une communion, une relation avec nous, pour que sa présence soit manifestée, et que nous nous éloignons de cet objectif et que nous ne comprenons pas que le plus important pour la sauvegarde de notre vie spirituelle, l'appel le plus élevé en nous est un appel à être dans sa présence, à y entrer, à y demeurer, à bâtir une relation, une communion avec lui, eh bien c'est ce qui arrive. Nous finissons par être aveuglés par notre nature humaine, par le combat spirituel autour de nous qui va nous faire perdre le focus sur ce qu'est le plus important dans notre vie. Parfois c'est l'épreuve, parfois c'est la maladie, parfois c'est le succès, parfois c'est l'abondance, parfois c'est l'inverse, c'est l'échec. Et toutes ces choses, à un moment donné, peuvent nous envahir et nous faire perdre de vue que l'appel suprême que Dieu a sur nos vies, c'est même pas de, même si Dieu a du plaisir à nous bénir, c'est pas de nous bénir, c'est pas de nous donner plus de biens, plus de richesses, c'est pas de nous accorder tout ce qu'on lui demande. Ce qui est l'appel le plus suprême pour nous en tant que croyants et Église, c'est de demeurer dans sa présence, de bâtir cette communion qui fait en sorte que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que même quand les choses vont très mal, même quand les choses vont mal jusqu'à la mort, je sais qu'il m'aime. Je sais que je suis en relation avec lui, je sais que je peux compter sur lui. Et quand bien même la bénédiction, et je crois dans un Dieu de bénédiction, comprenez-moi bien, je crois dans un Dieu qui veut nous faire prospérer à tous égards. Je crois dans un Dieu qui est riche et dont les richesses de son royaume se manifestent dans la vie de ses enfants. Mais quand bien même ces choses ne seraient pas là, ma relation avec Dieu, parce que je vis dans sa présence, me sont suffisantes. Et c'est l'appel le plus élevé que j'ai sur ma vie, à demeurer dans cette présence. Et la nature et l'ampleur du combat spirituel à ce niveau-là ne sont pas souvent bien discernées ou comprises, même par les enfants de Dieu. Parce que c'est vrai que Satan ne vient pas devant nous avec qui il est réellement dans sa réelle nature pour nous menacer et nous dire, voilà, si tu rentres dans la présence de Dieu, voici les attaques qui vont venir contre toi, voici comment je vais agir et voici comment je vais essayer de détruire ta vie. Si Satan agissait comme ça envers nous, nous serions les premiers à venir nous jeter dans la présence de Dieu parce qu'on voudrait que Dieu pose sa main sur nous et vienne nous protéger. Mais Satan est beaucoup plus subtil que ça. Et parfois, pour certaines personnes, dans certains combats spirituels, c'est vrai que certains sont attaqués par des attaques démoniaques très directement. Mais en général, pour nous, c'est quoi les attaques? C'est quoi la nature de ce combat? C'est que Satan vient nous occuper. Il est plus subtil que ça. Il vient nous occuper souvent avec des bonnes choses. Il vient nous occuper... Il manipule même les bonnes choses que nous recevons comme des bénédictions qui peuvent résulter de réelles bénédictions de la part de Dieu. Mais ces choses sont manipulées pour occuper notre temps plus qu'il n'en faut. Et ça nous éloigne du meilleur de tous les dons, c'est-à-dire sa présence. Et beaucoup d'entre nous sommes sapés parfois de toute passion spirituelle et de tout désir de nous approcher de Dieu à cause des excès que nous vivons. Ça peut être des excès dans les loisirs ou dans les occupations, des distractions. Notre société propose tellement de distractions aujourd'hui, c'est tellement facile d'être occupé et de se laisser distraire. Et la poursuite des plaisirs de ce monde aussi, même si Dieu prend du plaisir à nous bénir, comme je le dis, mais ça peut devenir rapidement intoxicant pour nos vies. Parce que du moment que nous recevons ces bénédictions-là, mais que Satan les utilise pour nous éloigner de Dieu et de sa présence, il a gagné. Et Dieu voulait nous bénir pour nous montrer à quel point il nous aime. Il veut nous faire prospérer, mais tout d'un coup, les richesses, les occupations, les loisirs, les vacances, la famille et tout, les amis et tout le reste ont pris tellement de place que nous n'avons plus de place à laisser à Dieu pour demeurer dans sa présence. Et Ézéchiel vit ce constat troublant dans son âme. Il prie Dieu, il est en relation avec Dieu. Dieu lui donne ses visions et lui dit, voici, mon peuple m'a négligé, mon peuple ne s'intéresse plus à moi, mon peuple ne veut même plus faire cas de ma présence. Je me retire. Et alors que Dieu se retire, personne ne réagit. Le prophète est en pleurs, il intercède pour le peuple, mais personne ne réalise que tout est encore là, sauf la présence de Dieu. Et combien sommes d'accord? Combien d'entre vous êtes d'accord pour dire que si on a tout sauf sa présence, on n'a rien? Parce que l'Église, la Baptiste, c'est tout ce qu'on a, la bonne volonté d'être ensemble sans la présence de Dieu égale zéro. Et c'est sur ce sentier que l'activité satanique est souvent la plus voilée, elle est imperceptible, souvent à l'œil nu qui a perdu cette acuité spirituelle de dire oui. La chose la plus précieuse que j'ai pour ma vie, pour mon avenir, c'est de bâtir cette relation avec Dieu, cette communion et de demeurer dans sa présence. Et au lieu de chercher Dieu et sa parfaite volonté, bien parfois on est pris au piège des dettes, alors on travaille plus, on travaille le dimanche parce qu'il faut rembourser, on est pris au piège des désirs, des occupations stériles. Et je crois vraiment que l'appel d'Ézéchiel, qui était de se tenir comme une sentinelle pour Dieu, Ézéchiel était très conscient que la perte de la présence de Dieu, non seulement c'était la chose la plus tragique qui pouvait arriver au peuple, mais c'était aussi lié à l'attitude d'un peuple qui s'était éloigné de Dieu et de son désir de communion avec lui. Et c'est pas le seul moment et c'est pas le seul prophète que nous avons dans les Écritures. Nous avons aussi le roi David qui a vécu la même chose, mais lui à titre personnel, pas au nom du peuple, mais à titre personnel. Et c'est mon troisième point, le roi qui a prié pour la présence de Dieu. Et David est un homme que nous aimons en général pour nous qui connaissons la parole. Moi et David, un des hommes qui me touche le plus, qui me parle le plus, que j'aime. Et je me dis, pourtant, il était fichtrement humain. Il était bourré de défauts. Il y avait plein de choses tout croche qu'il ne savait pas faire et qu'il a mal faites. Puis Dieu l'aime en disant, j'ai un homme qui a mon cœur. Puis ça, je me dis, ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir pour moi. Puis je vous encourage, j'ai de l'espoir pour vous, parce que vous êtes tout croche pareil. Et comme nous sommes tous tout croche, il y a de l'espoir pour nous. David est un homme qui est aimé par Dieu, qui Dieu aime son cœur à David. Puis on arrive dans un moment tragique de sa vie, au psaume 51. Et dans le psaume 51, on voit David faire une prière de repentance. Il y a eu une situation qui s'est finie tragiquement pour un homme, qui s'est finie tragiquement pour un enfant, qui s'est finie tragiquement pour David et sa compagne aussi. Et David fait cette prière de repentance devant Dieu. Il dit, détourne ton regard de mes péchés, efface mes transgressions. Dieu, s'il te plaît, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi mes pensées, un esprit bien disposé. Puis on arrive au verset 13 et le roi est devant son Dieu, son Créateur, son Père Céleste. Et lui dit, Seigneur, s'il te plaît, mon Dieu, ne me rejette pas loin de ta face à cause de mes fautes. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Avez-vous remarqué ceci? La plupart d'entre nous connaissons bien l'histoire de David. On a tellement de chapitres de l'Écriture qui nous racontent son histoire. On est bien au fait de son histoire, de son ministère. Mais avez-vous remarqué une chose? C'est que David n'a jamais prié pour que Dieu ne lui retire pas son royaume. David n'a jamais dit, s'il te plaît, Seigneur, ne me retire pas la royauté comme tu l'as fait à Saül. David savait qu'il était possible d'être désavoué par Dieu. David avait vu un roi être défait par Dieu. David savait que Dieu pouvait retirer son onction royale sur sa vie et la donner à un autre. Donc, c'était pas des rêves, c'était pas des fantasmes dans la vie de David. Il savait que c'était possible et que si Dieu, à un moment donné, était tanné du roi, en disant, j'en ai assez, David, t'es allé trop loin. Oui, je t'ai aimé, j'ai apprécié tout ce que t'as fait, mais cette fois, ça suffit, plus capable. Alors, je retire la royauté et l'onction royale sur toi, je vais la donner à un de tes fils, à un de tes descendants. David savait que c'était possible. Il avait vu le roi précédent vivre ainsi. Chercher la gloire, chercher à retenir la gloire, chercher à retenir à tout prix sa couronne, chercher à tout prix à retenir sa royauté, ses privilèges, jusqu'à ce qu'à un moment, Dieu lui-même, à travers le prophète Samuel, lui dise, c'en est assez, la royauté, cette onction royale, et retirer Saül de dessus toi. David savait que ça pouvait lui arriver. Et David dit, Seigneur, je vous le paraphrase avec la même pensée, mais de cette façon-là, Seigneur, le royaume, je m'en moque. Les richesses, ça aucun. Les territoires que j'ai conquis, ça m'intéresse pas. L'autorité royale et tout le reste, j'en veux pas si je te perds. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne t'éloigne pas de moi, Seigneur. David savait qu'il pouvait vivre sans richesse, sans pouvoir, sans la couronne du royaume, mais que jamais David ne pourrait vivre sans la présence de Dieu. Et l'homme, selon le cœur de Dieu, a compris que le désir ultime de Dieu lui-même était d'habiter avec l'homme, était de demeurer chez l'homme, de demeurer avec nous, en nous et chez nous. Et que finalement le besoin vital qu'on avait était d'avoir une vie marquée par sa présence. Que Dieu nous aide, mes amis, à comprendre ce matin. Et dans les jours et les semaines, les mois qui viennent, cette année, que la chose la plus chère à nos cœurs ne doit pas être l'argent, ne doit pas être la sécurité financière. Que la chose, le désir le plus profond de vos cœurs ne doit pas être le désir de succès, d'abondance, de richesse, de confort. Ça doit même pas être votre famille. Et laissez-moi vous dire aussi ceci, même vos enfants. Nos enfants ne doivent pas être la priorité dans nos vies. Bien sûr qu'on doit prendre soin de nos enfants et s'en occuper, ça va de soi. Mais dans ce cadre-là, c'est pas l'objectif suprême de nos vies où nos enfants ont la première place devant tout le reste. Ou nos amis. Mais que ce soit Dieu et sa présence, la priorité de nos vies. Et tout le reste, bien sûr, est important et va découler de notre relation avec lui. J'ai besoin de sa présence avec moi et avant tout. Voulez-vous prier avec moi pour ça? Seigneur, accorde-nous de demeurer dans ta présence. Ce cri pour la présence de Dieu, c'est un cri qui est dans nos cœurs, mais laissez-moi vous dire que c'est un cri qu'on trouve dans le cœur du Père. Dieu, à travers toute l'Écriture, fait résonner, exprime régulièrement dans sa parole un cri à travers des hommes, des femmes, pour rechercher la présence et le cœur de son peuple. C'est comme si Dieu disait, je veux bâtir une communion avec toi et je veux manifester ma présence en toi, avec toi, dans ta famille, mais aussi au milieu de toi, de mon peuple. Et on le trouve aussi à travers l'histoire de l'Église. Et on va regarder pour finir à travers l'apôtre Paul, l'apôtre qui a prié pour la présence de Dieu. Et juste avant de parler de l'apôtre, je veux juste faire un commentaire sur Jean, parce que Jean, l'évangéliste Jean, est celui qui décrit l'incarnation de Jésus d'une façon incroyable dans son évangile. Et l'apôtre Paul, qui décrit l'Église comme un lieu de communion, l'apôtre Paul décrit l'Église et parle de l'Église quand il implante des églises, quand il travaille comme nous travaillons ici à implanter une église. L'apôtre Paul parle de l'Église en disant c'est un lieu de communion, c'est une maison de prière, c'est un lieu de communion où Dieu manifeste sa présence. Et Jean décrit bien l'incarnation de Jésus dans son livre d'introduction. J'aimerais juste le lire parce que je trouve ça tellement beau. Le verset 14 du premier chapitre nous dit ceci. « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » La parole qui a été faite chair, c'est Dieu fait chair, Dieu fait homme, a habité, a demeuré en nous, parmi nous. Elle a habité là. Et Jésus est venu pour faire quoi? Pour rétablir la présence du Père au milieu de notre humanité, d'une façon tangible et parfaite. Les hommes se posaient la question, à quoi ressemble Dieu? À quoi ressemble le caractère de Dieu, la nature de Dieu? Dieu l'a manifesté, mes amis. Il y a 2000 ans, en envoyant son Fils Jésus, Dieu lui-même s'incarnait en homme pour vous montrer et me montrer, voici qui je suis, voici ma nature, voici mon caractère, voici mon désir pour vous, pour l'humanité. Et Dieu a habité parmi nous dans le but de manifester, oui sa gloire veut, mais en même temps de manifester à quel point il désirait être en relation avec sa création. Et l'apôtre Paul parle de l'Église de cette manière. Il dit que la présence, finalement, la présence de Dieu qui se manifeste, c'est le but ultime de l'Église. C'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'il nous parle dans l'Épître aux Corinthiens, entre autres, qu'il nous donne la meilleure description de l'Église dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 24 à 25, qui nous adresse la question des dons spirituels. Mais Paul, regardez ici ce que Paul dit. Il dit, si tous prophétisent, quand vous êtes ensemble ici à l'Église, si tous prophétisent et qu'ils surviennent, est-ce que ça veut dire que tous peuvent prophétiser? Ok. Alors, si tous prophétisent, alors peut-être nous sommes tous appelés à prophétiser. C'est intéressant, ça. Moi, je pensais que c'était que ceux qui étaient appelés à le faire. Alors, si tous prophétisent, donc nous sommes tous, et même Paul dira, nous pouvons tous parler en langue, tous prophétiser. Alors, c'est pour ça que nous allons l'apprendre ici à l'Église, comment le manifester et le vivre. Et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, que lui arrive-t-il? Il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Non pas que les gens vont juger les personnes qui viennent ici, mais les secrets de son cœur sont dévoilés parce que le Saint-Esprit est en train de prophétiser sur la vie d'une personne pour que cette personne connaisse l'amour de Dieu. De telle sorte que tombant sur sa face, cette personne-là va adorer Dieu et publiera quoi? Que Dieu est réellement au milieu de vous. Le meilleur compliment, mes amis, qu'un visiteur ici dans notre église va nous faire et peut nous faire, ce n'est pas de nous dire « Oh, quel beau bâtiment, quelle belle bâtisse rénovée !» C'est pas non plus de dire « Quelle belle équipe de musique, quel bon style musical varié vous avez ou quel bon prédicateur vous avez dans cette église, même si c'est vrai que vous avez certainement les meilleurs prédicateurs du Canada dans cette église. » Du monde et des environs, peut-être, si des satellites existent dans l'univers. Mais le meilleur compliment, le plus beau compliment que quelqu'un peut nous faire en venant dans notre église, ce n'est pas de parler de notre organisation, de notre fonctionnement, c'est de dire quoi? Dieu est réellement au milieu de vous. Dieu est présent au milieu de vous. Quand nous venons, Dieu manifeste sa présence au milieu de nous. Et c'est parce que Dieu manifeste sa présence au milieu de nous qu'il fait descendre son royaume et son règne. Et quand son règne vient, il vient avec la guérison, il vient avec la restauration, il vient avec la délivrance, il vient avec l'abondance des richesses de sa gloire. Et nous voulons que cet amour-là, cette présence-là, pardon, à travers notre amour, soit manifestée à notre communauté. Ce dont notre humanité a besoin plus que jamais en 2017. Vous savez, on est bien au... Il suffit de regarder les actualités, des changements politiques, géopolitiques, de tout ce qui bouleverse notre monde actuellement, qui crée bien de l'inconnu, de l'incertitude pour bien des choses, pour nous dire notre humanité opprimée, démonisée, parfois ravagée par le péché, a besoin plus que d'un beau sourire. Elle a besoin d'un sourire. Mais elle a besoin aussi plus qu'une bonne poignée de main, même si elle a besoin d'une bonne poignée de main en arrivant ici. Elle a besoin plus qu'une bonne tape d'encouragement dans le dos, même si on a besoin de tapes d'encouragement dans le dos. Les hommes ont besoin de voir et de connaître la véritable puissance qu'il y a dans la présence du Dieu vivant pour nous aujourd'hui, afin que nous soyons convaincus, guéris et libérés. Et c'est pour cette même raison que l'apôtre Paul va prier et pleurer pour l'Église. Paul chérissait l'Église, il aimait l'Église. Il désirait voir l'Église, il désirait défendre l'Église, il désirait parfois la corriger, non pas pour lui faire du mal, au contraire, parce qu'il l'aimait, donc il voulait rétablir des fois par des faux enseignements qui s'infiltraient, par des fausses mauvaises compréhensions. Paul avait tellement cet amour ardent, ce désir brûlant pour l'Église, qu'il désirait vraiment l'unité, l'harmonie en son sein. Et il dira dans 1 Corinthiens 1:3 que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'une personne qui peut nous accorder la grâce et la paix. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, à travers Dieu notre Père. Et Paul savait que tout ce dont nous avons besoin, c'était que ces choses nous soient données et manifestées dans son Église. Il faut à tout prix qu'en 2017, notre Église ne soit pas un rassemblement de personnes gentilles, puisque nous ne sommes pas gentils, nous ne sommes pas des personnes gentilles, nous sommes des gens sauvés par grâce qui apprenons à marcher avec Dieu. Mais des personnes qui aiment les mêmes choses, ne sont pas forcément dans une église, ne sont pas forcément qui ont les mêmes pensées, ne sont pas forcément les choses qui doit constituer ce qu'est notre église. On a le droit de pas aimer les mêmes choses, de pas aimer le même type de chant, peu importe. Mais ce que l'église d'Autobahn Park ici, comme toutes les églises de Jésus-Christ, ont besoin en 2017, c'est que notre Église, nos rassemblements soient le lieu de sa présence. Le lieu où la présence de Dieu est manifestée, où les gens se sentent embrassés, entourés d'un amour qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne réalisent pas, qu'ils ne saisissent pas, juste au moment où la révélation se fait dans leur cœur et qu'ils comprennent que Dieu manifeste en sa présence, leur démontre à quel point il les aime et qu'ils sont précieux pour lui. On ne devrait jamais oublier cela, mes amis. Je dis merci Seigneur pour l'Église, merci Seigneur pour l'Église d'Autobahn Park que j'aime. Mais merci Seigneur avant tout pour ta présence. J'aimerais vous encourager en 2017, alors qu'on est toujours en janvier, dans le mois des résolutions, ou en tout cas les résolutions que vous avez prises, je sais que la plupart ont déjà été arrêtées, ou vous les avez plus suivies. Alors reprenons ensemble une bonne résolution et faisons de la présence de Dieu l'objectif suprême de nos vies. Disons-lui Seigneur, quoi qu'il arrive, tout n'est pas bon dans la vie. Il n'y a pas que du bien qui arrive dans la vie si vous avez quelques années de vie sur cette terre, et c'est la plupart d'entre nous, vous le savez très bien. Tout n'est pas toujours bon sur cette terre. Et il ne nous arrive pas que des bonnes choses. Mais si nous faisons de cet objectif suprême l'objectif de nos vies, et en particulier pour cette nouvelle saison, pour notre Église, et que nous disions, Seigneur, nous voulons marcher avec une passion pure, une direction claire, vers ta gloire. Nous voulons véritablement demeurer, vivre et même réclamer ta présence pour que ce lieu soit le lieu d'une rencontre avec toi chaque fois que nous nous rassemblons. que ce soit un lieu de rencontre, un lieu de visitation, un lieu où nous sommes transformés et changés au-delà de la louange, de la prédication, de la prière. C'est ta présence qui vient faire l'œuvre en nous et au milieu de nous. Et je pense que pour nous, où nous sommes tellement dans un monde qui nous envahit d'occupations, que le lieu de l'Église ici doit être le lieu où nos âmes viennent chercher ce repos dans sa présence, viennent demeurer dans sa présence, où nous venons à la table du roi recevoir de lui ce qu'il veut nous donner. Depuis combien de temps n'êtes-vous pas venu avec ce désir dans votre cœur de recevoir une parole de Dieu, de recevoir quelque chose de la part de Dieu? Vous savez, parfois on vient à l'Église tellement habitué, puis c'est pas un reproche. C'est bien de venir ensemble, d'être ensemble, mais parfois on vient sans aucune attente. On vient avec d'autres motivations des fois que celle de s'approcher de Dieu. Mais peu importe. Mais depuis combien de temps n'êtes-vous pas venu avec ce désir de dire dans votre cœur, Seigneur, je veux non seulement bénéficier de ta présence, mais je veux que ta présence me parle, que ta présence me transforme. Je veux recevoir quelque chose de ta part. Peut-être certains d'entre vous venez avec cette attitude-là, mais peut-être parfois nous sommes secs. Et nous venons parce que la famille vient, nous venons parce que on est avec les amis. Puis c'est pas des mauvaises raisons forcément, mais il y a une raison suprême qui vient nous changer, nous transformer. Et cette raison suprême, c'est au-delà d'un club social. C'est un désir dans nos cœurs qui vient nous dire, Seigneur, oui, je veux faire de la prière de Moïse, d'Ézéchiel, de David et de l'attitude de Paul pour l'Église. Je veux en faire mes prières à moi. Je veux véritablement faire de ma communion avec toi l'objectif suprême de toute ma vie. Seigneur, savez-vous que cet objectif-là changera non seulement votre vie en 2017, mais votre vie à jamais? Parce que c'est l'objectif qui change tout. Quand cet objectif-là reprend la première place dans nos vies, je peux vous assurer que tout le reste va découler et va changer positivement en conséquence. Et les situations que vous n'arrivez pas à débloquer, les situations où vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel, changent aussi, non seulement dans la perspective, mais dans les résultats, quand nous sommes réellement dans la présence de Dieu. La présence de Dieu ne nous transforme, elle ne nous laisse jamais pareil, de la même manière. C'est pour ça qu'à l'Église, nous voulons chercher la présence de Dieu. C'est pour ça que nous voulons prier, intercéder pour empêcher aux actions de l'ennemi de venir dans nos vies. On est bien conscients, nous, prédicateurs, qu'on jette une semence. Puis on est bien conscients, puis on désirait qu'après des années de prédication, de ministère, chaque fois qu'on prêche, la parole porte du fruit, puis on voit les changements. Mais on sait qu'il y a un combat qui est là. Un combat qu'on oublie très facilement en tant que chrétien après plusieurs années de vie chrétienne. Où on pense que, ou alors on attend qu'un prophète vienne en ville la prochaine fois pour recevoir quelque chose, un petit boost. Mais même un prophète qui vient nous booster, rien ne changera dans nos vies. Si nous n'avons pas cette attitude de cœur d'être là devant Dieu, on peut recevoir les paroles prophétiques les plus merveilleuses au monde. Et pourtant, j'ai vu des gens recevoir des paroles prophétiques, puis rien n'a jamais changé. Ils n'ont jamais rien accompli. Alors certaines fois, peut-être que la parole n'était pas une parole prophétique, mais d'autres fois, peut-être qu'elle l'était. Mais parce que si mon cœur ne change pas, n'est pas transformé, vous pouvez mettre devant vous le prophète que vous voulez, il n'y a rien qui changera. Parce que c'est nos cœurs, nos vies qui doivent être transformés avant même d'entrer dans la destinée que Dieu a pour nous. Et lorsque nous sommes ensemble en communion ici avec lui, nous avons chaque jour, à chaque réunion, chaque rassemblement, l'occasion de changer, l'occasion de nous laisser transformer, nous rapprocher davantage de Dieu. Et parfois, nous oublions cet objectif-là. Et vous savez ce qui arrive? Il y a des années, je pense, je vous l'ai dit, mais je termine juste avec ça. Je bataillais avec la question de la prédication parce que quand le Seigneur m'appelait à le servir, je n'étais pas un fan de prédication. Je me trouvais plate déjà. Et en plus, je trouvais que peut-être faire des études bibliques, c'était peut-être plus important que de prêcher la parole. Parce que je me disais, de toute façon, je vais prêcher 30 minutes, une heure, trois heures, comme parfois. Puis finalement, on va retenir à peine 5 minutes de tout ce que j'aurais dit. Alors je me dis, c'est bien plate. Si on faisait des études bibliques, au moins on prend des notes, ça reste. Et je vous assure, j'avais 19 ans à l'époque et je bataillais avec ça, cette pensée-là, avec le Seigneur. Je disais, Seigneur, si tu m'appelles, moi je ne veux pas prêcher. Je veux me tenir avec ta parole, faire des études bibliques. On ne devrait même pas avoir besoin de prédication. J'étais convaincu. Hein? Vous savez, quand on sort du collège biblique, on a plein d'idées folles. Et moi, j'avais plein d'amis. La seule chose qu'ils voulaient faire, c'était sauter sur une estrade et prêcher. Puis moi, je leur disais, allez-y, ça me fait bien plaisir, faites-le. Parce que j'avais aucune jalousie là-dedans, ça ne m'intéressait pas. Alors, je bataillais avec ça, puis les premières fois que je prêchais, mes ongles, j'étais plate. C'est vrai, hein? Je vous dis, je sais que vous allez me dire, non, c'est pas vrai, mais je vous dis, c'est vrai. Je disais, comment j'ai pu ennuyer les gens sûrement au début que j'ai prêché. Mes messages étaient bons, hein, bien construits, mais je trouvais ça plate. Tu sais, je trouvais ça creux. Je disais, bon, mais tout ça, on le sait de toute façon. Je vais juste répéter un truc. Il y en a, ils ont entendu ça depuis 40 ans. Puis ils vont regarder leur monde pendant que je prêche. Je disais, OK, bon, il a fini bientôt. Et vous savez, quand on commence à prêcher, quand on est jeune, la seule chose qu'on regarde, c'est le timing, hein, le timer. Puis ton pasteur principal regarde et dit, OK, il te reste 5 minutes, 3 minutes, près de 2 minutes. Puis après, il te faisait ça. Ah ouais, vous n'avez pas connu ça? Moi, j'ai connu ça. Un appel? Et j'ai eu ça, hein? C'était ça la formation. Puis c'était le timing qui comptait. Après, sur le contenu, tout ça, ça restait comme c'était. Et un jour, Dieu m'a donné une vision. Et je vais vous laisser avec ça pour que vous compreniez que la façon dont on prêche, même à l'église, et je sais que mes frères et mes sœurs qui prêchent aussi le font dans cet objectif-là, la vision d'un combat spirituel sur la prédication que j'avais jamais réalisé. Mais à travers un passage de l'Écriture, un jour où je bataillais encore avec le Seigneur sur cette idée de la prédication, parce que je me sentais tellement mal à l'aise quand je prêchais. Je sais que ça vous semble bizarre, là vous me voyez à l'aise en train de prêcher, puis vous vous dites, bon, il en fait un peu trop. Je vous assure que j'étais très mal à l'aise de prêcher quand j'étais plus jeune. Pas que j'étais gêné en public, jamais été gêné en public. Ça n'a jamais été une gêne pour moi d'être en public. Là, je pourrais vous faire des jokes pendant 3 heures en public. C'était pas ça mon problème. Mon problème, c'est que j'étais pas à l'aise par rapport à cette conception que je comprenais pas pourquoi il fallait que je proclame un message en public de cette manière dont nous le faisons. Vous êtes-vous déjà posé la question d'ailleurs? Je suis sûr que même alors que je vous dis ça, plusieurs d'entre vous n'êtes jamais posé la question pourquoi on fait ça finalement? Hein? Pourquoi on fait ça finalement? Oui, vous n'êtes pas pressé à répondre. Hein? Ben, c'était pareil pour moi. Je disais, pourquoi on fait ça finalement? Je disais, pourquoi on prêche comme ça finalement? C'est pourquoi on est là sur une estrade à prêcher comme ça? Et un jour, j'ai un passage de l'Écriture que Dieu me donne. Mais vraiment précis, référence, verset à l'appui. Car la parole vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Est-ce que vous êtes sûr de votre version? Eh bien, j'ai lu la même chose que vous. Ouais, car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Puis j'ai dit, Seigneur, ok, nice, je connais le verset. Puis, vous savez, la petite phrase qui nous sort de tout, nous les Québécois, peut vous poser n'importe quoi comme question, vous n'avez qu'un mot à dire, puis. Je dis, ok, puis. Parce que je ne comprenais pas plus. Et vraiment, hein, le Seigneur me donne ce passage-là, j'ai dit, bon, je fais quoi avec ça? Et là, vous savez, parfois la voix du Saint-Esprit est toujours douce avec nous. Hein. Enfin, en tout cas avec moi, peut-être que vous, elle vous brutalise. Je sais pas, mais en tout cas, moi, le Saint-Esprit m'a jamais brutalisé. Peut-être qu'un jour, ça va arriver, j'en ai aucune idée. Mais en général, c'est une voix douce qui m'apaise. Et la voix que j'entends dans mon cœur, c'est va lire ce passage dans telle version. Et la version, c'est la Bible de Jérusalem, qui est une version que j'ai à la maison, mais que je lis pas non plus tous les jours. Et là, je prends le passage dans la Bible de Jérusalem. Puis quand je lis le même passage, j'ai fait « Ok, il y a comme un flash qui est venu à mon esprit. » Parce que la Bible de Jérusalem précise la pensée, c'est la même pensée. Mais elle dit que la foi vient de la prédication de Christ. Nous, on a dans nos versions, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est bon, mais ça, il y a une connexion qui nous manque un petit peu pour bien comprendre qu'est-ce que ça signifie ce qu'on entend de la parole de Dieu. Parce que dans ma conception à moi, c'était ben, ce que j'entends quand je lis les Écritures, quand j'entends la parole de Dieu, quand je lis, je l'étudie à mon bureau tout seul, j'entends la parole de Dieu. Mais la Bible de Jérusalem précise la pensée en disant que la foi vient de la prédication de Christ. Et au moment où je lis le verset, j'ai eu cette vision de la parabole du semeur, en disant, voici ce que tu fais, mon fils, quand tu apportes ma parole. Tu jettes une semence de foi, mais une semence qui va être confrontée, qui va être combattue. Elle va être des fois rejetée immédiatement, avant même la fin du message, certains vont la rejeter. La semence n'aura aucun impact. Il y en a d'autres, elle va porter un fruit pendant un temps, mais il va y avoir d'autres occupations, d'autres choses autour, puis ça va s'étouffer, puis on va plus y penser. Il y en a d'autres encore, ça va porter un fruit temporaire. Puis il y en a d'autres, ça va tomber dans la bonne terre, ça commence à germer, il y a une réflexion qui s'installe, il y a une foi qui prend naissance, il y a un désir de plus qui arrive, il y a une compréhension nouvelle qui s'installe. Quand tu prêches, tu engages un combat spirituel pour la foi dans ma parole, et parce que la foi vient de la prédication de ma parole. Et je vous assure, mes amis, qu'à l'âge de 19 ans, quand Dieu m'a donné cette vision-là, j'ai plus jamais prêché de la même manière. Sûrement, j'ai évolué à travers les années, mais j'ai plus jamais prêché en me disant que la prédication, c'est juste duty, c'est juste une tâche, là, j'ai un rôle à faire. Bon, mais il faut que je prêche, sinon je peux pas être pasteur, alors je vais prêcher un peu à l'église. C'est pas du tout ça. On est conscient, et je sais que pour mes frères, c'est la même chose. Quand nous prêchons, nous nous tenons devant Dieu et pour Dieu, parce que nous avons une semence de foi à répandre, et nous sommes conscients qu'il y a un combat, et nous sommes conscients que c'est difficile et que c'est frustrant, parce que autant qu'on va prêcher, autant le combat va être intense et va être là, et on sait que c'est pas tout le monde qui va recevoir tout ce que Dieu a prévu et va nous donner, mais on va se tenir quand même jusqu'au bout, en croyant que parce que Dieu est avec nous et nous appelle à le faire, il va faire porter du fruit dans nos cœurs. Et vous savez ce que nous attendons, nous, comme prédicateurs, pourquoi nous le disons souvent? Quand nous prêchons, nous disons pas nous, Seigneur. Moi, je sais que ça vient pas de moi, Seigneur, comme pour mes frères, mais c'est ta présence. Ta présence, quand le Saint-Esprit passe au milieu de nous et que nous prêchons, et que cette semence est jetée. Savez-vous ce qui se passe? C'est qu'en même temps que l'esprit de l'ennemi est là pour arracher la semence, l'Esprit de Dieu passe aussi pour enterrer la semence, pour essayer de l'imprégner dans nos cœurs, pour essayer de nous convaincre. Et c'est pour ça que vous avez donné déjà ce témoignage-là et que d'autres l'ont donné, que je l'ai donné. Des fois, il y a une parole qu'on va prononcer, mais cette parole-là, c'est une parole de foi que vous recevez. Cette parole-là, ça vient jeter une semence qui s'enracine dans votre cœur, commence à porter du fruit pour plus. C'est exactement ce que l'Esprit de Dieu fait quand nous apportons sa parole. Voilà pourquoi en 2017, plus que jamais, notre objectif suprême, c'est d'être dans sa présence et de demeurer dans sa présence. J'aimerais que l'équipe de louange revienne, en tout cas notre couple, nos amis, et j'aimerais qu'on prenne un chant pour terminer, un chant sur la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous en avez un, je n'ai pas regardé votre liste, mais vous devez avoir ça. On ne manque pas de chants sur la présence de Dieu. Et j'aimerais juste qu'on ait un temps de louange ensemble, justement, pour terminer notre matinée. On termine pas tard. Vous avez vu, je reviens en forme, je n'ai pas prêché longtemps. Hein? Non, c'est relatif. Mais c'est 11h30, non? Ou c'est midi, là? Non, 11h30? On est bien à l'heure. C'est midi? 11h30. Ah non, parce que je voulais être sûr que ce soit pas qu'elle soit pas arrêtée.